Catalina de Bandas Aguilar, rapporteuse spéciale chargée des droits des handicapés relevant du Conseil des droits de l'homme de l'ONU et sa suite, ont visité la République populaire démocratique de Corée du 2 au 9 mai. Le but de la visite du rapporteur spécial est de s'enquérir de la situation générale des handicapés, de discuter des problèmes relatifs à l'application de la Convention sur les droits des handicapés signée récemment par la République populaire démocratique de Corée et de trouver la possibilité de la collaboration technique nécessaire à l'application de la Convention. Invariable est notre position selon laquelle nous rejetons intégralement les résolutions sur les droits de l'homme adoptées contre notre République lors des réunions onusiennes sur les droits de l'homme par les forces hostiles dans le but de renverser notre régime socialiste sur la base des faux témoignages des déserteurs du Nord et des falsifications, et nous ne reconnaissons jamais le rapporteur spécial chargé des droits de l'homme en Corée nommé par une de ces résolutions. Mais à partir de l'attitude pour respecter le dialogue et la collaboration authentique dans le domaine international des droits de l'homme et appliquer toutes les conventions internationales sur les droits de l'homme que nous avons signées, y compris la Convention sur les droits des handicapés, notre côté a invité Catalina de Bandas Aguilar à visiter notre pays et fait tout son possible pour la réussite de sa visite. La rapporteuse spéciale et sa suite ont effectué une visite protocolaire au ministre coréen de la Santé publique, Kang Ha-gu, et à l'ambassadeur du ministère des Affaires étrangères, Lee Hong-si. Et lors des entretiens avec les fonctionnaires chargés des handicapés du Présidium de l'Assemblée populaire suprême, département de la législation, du ministère des Affaires étrangères, du comité de l'enseignement, du ministère de la Santé publique, du comité central de la Fédération de protection des handicapés de Corée, de l'Association des surmuets de Corée, de l'Association des aveugles de Corée, etc., ils ont discuté sérieusement des problèmes d'application de la Convention sur les droits des handicapés. Au cours des visites protocolaires et des entretiens, on a informé en détail du fait que la République populaire démocratique de Corée assure les droits authentiques à tout le peuple grâce à la politique du dirigeant suprême Kim Jong-un, primauté du peuple, respect du peuple et amour du peuple, et que les handicapés aussi mènent une vie méritoire sans connaître aucune discrimination grâce aux bienfaits des mesures favorables de l'État, comme le système de l'enseignement obligatoire de 12 ans pour tous et des soins médicaux gratuits pour tous. La rapporteuse spéciale a remercié le gouvernement coréen de la collaboration et de l'offre du confort pour la réussite de la visite et affirmé que l'équité et l'objectivité seront respectées parfaitement dans les activités postérieures et que sera active la collaboration avec le côté coréen pour l'application de la Convention sur les droits des handicapés. Elle a estimé positif les échanges des opinions avec les fonctionnaires de divers établissements coréens, y compris le Présidium de l'Assemblée populaire suprême de la République populaire démocratique de Corée, département de la législation, et qui se sont montrés réjouis d'avoir trouvé des données concrètes et précieuses auxquelles on peut se référer lors de l'élaboration du rapport sur la visite à présenter à la 37e réunion du Conseil des droits de l'homme de l'ONU prévue en mars 2018. Lors de leur séjour, la rapporteuse spéciale et sa suite ont visité l'hôpital pour enfants Hong-yong, la bibliothèque pour handicapés du Palais des sciences et techniques, le centre de rétablissement des enfants handicapés de Corée, l'école primaire pour orphelins de Pyongyang dans la capitale et l'école pour aveugles de Pongchon de la province du Fanghe du Sud. Ils ont assisté au spectacle donné par les membres du Cercle artistique des handicapés au siège de l'Association artistique des handicapés de Corée et se sont entretenus avec eux. Ils ont aussi vu le match de ping-pong des handicapés et des amateurs du printemps 2017 au gymnase de l'université Kim Il-sung.